Jérémie chapitre 28. Il arriva aussi, en cette même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, savoir, en la quatrième année, au cinquième mois, que Ananja, fils d'Azur, prophète, qui était de Gabaon, me parla dans la maison de l'Éternel, en la présence des sacrificateurs et de tout le peuple, en disant, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, j'ai rompu le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans accomplis je ferai rapporter en ce lieu-ci tous les vaisseaux de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnetsar, roi de Babylone, a emporté de ce lieu, et transporté à Babylone. Et je ferai revenir en ce lieu-ci, dit l'Éternel, Jéchonia, fils de Jéhojakim, roi de Juda, et tous ceux qui ont été transportés de Juda en Babylone, car je romprai le joug du roi de Babylone. » Alors Jérémie le prophète parla à Ananja le prophète, en la présence des sacrificateurs, et en la présence de tout le peuple qui assistait dans la maison de l'Éternel. Et Jérémie le prophète dit, « Ainsi soit-il. Qu'ainsi fasse l'Éternel. Que l'Éternel mette en effet tes paroles que tu as prophétisées, afin qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu-ci les vaisseaux de la maison de l'Éternel, et tous ceux qui ont été transportés à Babylone. Toutefois écoute maintenant cette parole que je prononce, toi et tout le peuple l'entendant. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi il y a longtemps, ont prophétisé contre plusieurs pays, et contre de grands royaumes, la guerre, et l'affliction, et la mortalité. Le prophète qui aura prophétisé la paix, quand la parole de ce prophète sera accomplie, ce prophète-là sera reconnu pour avoir été véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Ananja le prophète prit le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, et le rompit. Puis Ananja parla en la présence de tout le peuple, en disant, « Ainsi a dit l'Éternel, entre 6 et 2 ans accomplis, je romprai ainsi le joug de Nebuchadnetsar, roi de Babylone, de dessus le cou de toutes les nations. » Et Jérémie le prophète s'en alla son chemin. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, après que Ananja le prophète, eut rompu le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, en disant, « Va, et parle à Ananja, en disant, « Ainsi a dit l'Éternel, tu as rompu les joues qui étaient de bois, mais, au lieu de cela, fais-en qu'ils soient de fer. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, j'ai mis un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, afin qu'elles soient asservies à Nebuchadnetsar, roi de Babylone, car elles lui seront asservies, et je lui ai aussi donné les bêtes des champs. » Puis Jérémie le prophète dit à Ananja le prophète, « Écoute maintenant, ô Ananja. L'Éternel ne t'a point envoyé, mais tu as fait que ce peuple s'est confié au mensonge. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je te chasserai de dessus la terre, et tu mourras cette année, car tu as parlé de révolte contre l'Éternel. » Et Ananja le prophète mourut cette année-là, au 7e mois.